Le milord arrêta dans la partie de la rue comprise entre la rue de Bellechasse et la rue de Bourgogne, à la porte d'une grande maison nouvellement bâtie sur une portion de la cour d'un vieil hôtel à jardin. On avait respecté l'hôtel, qui demeurait dans sa forme primitive, au fond de la cour, diminuée de moitié. À la manière seulement dont le capitaine accepta les services du cocher pour descendre du milord, on eût reconnu le quinquagénaire. Il y a des gestes dont la franche lourdeur a toute l'indiscrétion d'un acte de naissance. Le capitaine remit son gant jaune à sa main droite et, sans rien demander au concierge, se dirigea vers le perron du rez-de-chaussée de l'hôtel d'un air qui disait « Elle est à moi ». Les portiers de Paris ont le coup d'œil savant. Ils n'arrêtent point les gens décorés, vêtus de bleu, à démarche pesante. Enfin, ils connaissent les riches. Ce rez-de-chaussée était occupé tout entier par M. le baron Hulot d'Hervy, commissaire ordonnateur sous la République, ancien intendant général d'armée et alors directeur d'une des plus importantes administrations du ministère de la guerre, conseiller d'État, grand officier de la Légion d'honneur, etc., etc. Ce baron Hulot s'était nommé lui-même d'Hervy, lieu de sa naissance, pour se distinguer de son frère, le célèbre général Hulot, colonel des grenadiers de la garde impériale que l'empereur avait créé comte de Pforzheim après la campagne de 1809. Le frère aîné, le comte, chargé de prendre soin de son frère cadet, l'avait par prudence paternelle placé dans l'administration militaire, où, grâce à leur double service, le baron obtint et mérita la faveur de Napoléon. Dès 1809, le baron Hulot était intendant général des armées en Espagne.